Les participants au rassemblement solidaire avec le peuple coréen tenu à Pyongyang sous les auspices communs du Comité préparatoire international en l'honneur des grands hommes de Tucson 2017 et du Comité coréen de solidarité avec les peuples du monde ont adressé le 16 courant une lettre au secrétaire général de l'ONU. En voici le résumé. Malgré l'aspiration de l'humanité pour la paix, la sécurité et la coprospérité dans le monde, la situation dans la péninsule coréenne s'aggrave au fil des jours, à tel point de soulever de grandes inquiétudes au sein de la communauté internationale. La cause principale de la tension dans la péninsule coréenne, c'est l'intervention continue des forces étrangères qui ne poursuivent que leurs propres intérêts en Corée. Surtout, les États-Unis tournent le dos au projet épris de la paix de la Corée et recourent seulement à l'anachronique politique d'hostilité envers elle. Les États-Unis et leurs suivistes abusent toujours du nom de l'ONU pour parvenir à leur but malhonnête d'isoler et de supprimer la République populaire démocratique de Corée. Mais l'ONU, pour qui le respect envers les États souverains et l'équité sont vitales, se range à la politique d'hostilité américaine envers la Corée. L'essai nucléaire, le lancement des satellites et fusées balistiques sont le droit autodéfensif authentique de l'État souverain et ni la charte de l'ONU, ni les résolutions de son Assemblée générale les définissent comme menaces à la paix et à la sécurité internationale. Les résolutions de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité de l'ONU sont les dossiers illégitimes mis au point dans le but politique spécifique. Nous réclamons au secrétaire général et au secrétariat de l'ONU d'annuler la sanction contre la Corée conformément à la mission de l'ONU destinée à la paix et la sécurité internationale et au développement de l'humanité coréenne.